après-midi à tous. Et bienvenue dans l'univers des musiques traditionnelles, des musiques du monde, des musiques qui se chantent et qui se dansent, et peut-être aujourd'hui un petit peu plus qui se dansent, puisqu'on a pas mal voyagé au cours des semaines passées. Voilà, on a commencé directement, sans générique, sans rien. C'était avec le duo Barbare, un titre qui s'appelle Picombière. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi, mais sans doute inspiré par le lieu où il a été composé. C'est Violette en votre compagnie. Nous sommes ensemble de 18h à 19h30 et je vous propose tout de suite de poursuivre dans la danse avec Aymeric Tron et le titre Du vent dans les branches. Thank you. Kafka, comme on les aime actuellement, tout en douceur et un peu chaloupé, c'était Aymeric Tron. On poursuit avec un rond paludier, il y avait du vent dans les branches, avec le titre précédent, ça nous dit « Après la pluie viendra le vent », voici la formation Ourawen. Descendez-moi, je veux danser, descendez-moi, je veux danser. Descendez-moi, je veux danser, descendez-moi, je veux danser. Là, il la prend, il la descend, tout, tout, tout, tout, tout doucement. À la claire fontaine, ma bonne amie m'attend. À la claire fontaine, ma bonne amie m'attend. À la claire fontaine, ma bonne amie m'attend. Mais à la claire fontaine. Là il la prend et la descend, là il la prend et la descend. Là il la prend et la descend, là il la prend et la descend. Il la coucha sur le froment tout, tout, tout, tout, tout doucement. À la claire fontaine, ma bonne amie m'attend. À la claire fontaine, ma bonne amie m'attend. À la claire fontaine, ma bonne amie m'attend. Mais à la claire fontaine. Il la coucha sur le froment, il la coucha sur le froment. Il la coucha sur le froment, il la coucha sur le froment. Par là passe un vieillard plaisant, tout doux, tout doux, tout doucement. À la claire fontaine, ma bonne amie m'attend. À la claire fontaine, ma bonne amie m'attend. À la claire fontaine, ma bonne amie m'attend. Mais à la claire fontaine. Que faites-vous la jeune chant, que faites-vous la jeune chant? Que faites-vous la jeune chant, que faites-vous la jeune chant? Vous pilez tout mon beau froment, tout, tout, tout, tout, tout doucement. À la claire fontaine, ma bonne amie m'attend. À la claire fontaine, ma bonne amie m'attend. Mais à la claire fontaine, ma bonne amie m'attend. À la claire fontaine. relèvera ton froment, il relèvera ton froment. Nous le donnerons aux pauvres gens tout doux, tout doux, tout doucement. À la claire fontaine, ma bonne amie m'attend. À la claire fontaine, ma bonne amie m'attend. À la claire fontaine, ma bonne amie m'attend. Changement de région après le rond paludier, voici le rond, la ronde du Quercy. On est plutôt dans le sud-ouest de la France. Voici la formation Petit Piment et le titre Belle dans ton jardin. Belle dans ton jardin, il y a de belles roses, il y a de belles roses. Belle dans ton jardin, il y a de belles roses, il y a de belles roses. Il y a de belles roses qui ont si bonne odeur. Permettez-moi la belle d'en cueillir une fleur. Il y a de belles roses qui ont si bonne odeur. Permettez-moi la belle d'en cueillir une fleur. Non, je ne permets pas. Du Quercy à un rond de l'île Dieu. On est plutôt du côté de la Vendée avec la formation Tchak Boum, extrait de leur album Bleu. Voici le titre Devant Bordeaux. Les dames vont le voir. toujours gardé, le bon Bordeaux est arrivé. Et l'amitié sur un navire, le bon Bordeaux est sur la rive. Si des mondes et l'entrée levée, le bon Bordeaux est arrivé. Que le navire mêle les voiles de le bon Bordeaux sur la race. À terre, beau marinier, à terre, beau marinier. À terre, le temps brille de bon Bordeaux sur la rive. Et de la Martinique au Cap, et du Cap à la Jamaïque, le bon Bordeaux est sur la rive. Devant Bordeaux est arrivé, devant Bordeaux est arrivé. Il y a des jours où il y a des décisions à prendre, alors pas forcément des décisions vitales, mais qui peuvent permettre de passer un bon moment. Ce sera le cas au mois de janvier, puisqu'au mois de janvier, la même soirée, on aura Tchak Boum avec la voix de Christian Paché qu'on vient d'entendre à l'instant. Ce sera à Saint-Cyr-en-Val et du côté de Bourg, on aura une très jolie voix féminine, celle de Clarisse Lavanant. Je vous propose de la retrouver tout de suite avec un extrait de l'album de Kérouz à Ouessant, une reprise de la très jolie valse de Louis Capard, Marie-Jeanne Gabriel. Marie-Jeanne Gabriel, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents, au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravées dans la mémoire des femmes qui attendent les marins, dit le dessin. Raconte-nous l'enfant que tu étais, courant du sable fin aux galets. Parle-nous de ces jeunes gens sautant les feux de la Saint-Jean, on pouvait croire au paradis. En ce pays, chante-nous, si tu t'en souviens, pour passer le ras de Saint, le cantique à Sainte Marie, qu'on ne chante qu'ici. Marie-Jeanne Gabriel,

baila tutte col partito, trullali rullali rullallero, dai trovatulli e rambalia, trullali rullali rullallà, e baila tutte col partito, trullali rullali rullallero, dai trovatulli e rambalia, trullali rullali rullallà, come se io partirà e beh, trullali rullali rullallero, trullali rullali rullallà, mesche non punte si ascofac, come se io partirà e beh, trullali rullali rullallero. Come un conte si ascofacci. L'acqua rosa mette da plura e la servento abrama, con l'uvarezza che partì, trullali rullali rullallero, l'acqua rosa mette da plura e la servento abrama, lume se pavi scura già, trullali rullali rullallero, trullali rullali rullallà, sentro una truva rubare, lume se pavi scura già, trullali rullali rullallero, trullali rullali rullallà, sentro una truva rubare, rubare tutte cautornà, trullali rullali rullallera, lascia cuore a consura, e la servento marina, o baile tutte cauturna, trullali rullali rullallera, lascia cuore a consura, e la servento marina, come se io tornarai me, trullali rullali rullallera, trullali rullali rullallà, e spori savam caucuccia, come se io parlarai me, trullali rullali rullallera, trullali rullali rullallà, e spori savam caucuccia, alla servento des morceaux comme je les aime, avec une petite pointe de rock dans cette Scottish, interprétée par la formation Embraya, l'histoire d'un valet et d'une servante, si j'ai bien suivi l'histoire racontée en occitan. On change de région puisqu'on retourne du côté de la Bretagne avec la formation Baroque. Leur album qui s'appelle tout simplement Festnose est sorti au cours de cette année 2021. Voici le titre, Le tout petit bonhomme. très jolie sonorité pour cette formation baroque et leur album sorti en 2021. Un tout petit peu plus ancien, l'album de la formation Sans Façon s'appelle Vive les filles. Et pour danser et en même temps avoir une petite leçon de morale, eh bien voici le titre « Mon père avait un âne ». Mon père était un sage comme il y en avait naguère. Il avait l'œil sévère mais le cœur bienveillant. Et moi qui n'étais qu'un enfant, j'admirais mon père. Et moi qui n'étais qu'un enfant, je l'admirais vraiment. Mon père avait un âne pour labourer la terre et porter nos affaires quand nous allions au champ. Et moi qui n'étais qu'un enfant, je suivais d'un pas fier. Et moi qui n'étais qu'un enfant, je les suivais gaiement. Un jour je lui demande, et comment faut-il faire pour être bien sur terre et vivre heureux longtemps. Et moi qui n'étais qu'un enfant, où j'écoutais mon père. Et moi qui n'étais qu'un enfant, j'écoutais patiemment. Mon père prit son âne, m'y posa le derrière et marcha d'un pas fier jusqu'à l'un de ses champs. On entendait jaser les gens, regarder la misère. On entendait jaser les gens, ce jeune est trop feignant. Le lendemain sur l'âne, il posa son derrière, les yeux pleins de lumière, moi je marchais devant. On entendait jaser les gens, regarder la misère. Il pourra faire monter l'enfant, le vieux est trop méchant. Le jour suivant sur l'âne, c'est tout de tralalère qu'on pose à nos derrière et l'âne allait gaiement. On entendait jaser les gens, regardent la misère. C'est un bon tempérament pour un tel chargement. Mon père était un sage comme il y en avait naguère. Il avait l'œil sévère mais le cœur bienveillant. Et moi qui n'étais qu'un enfant, où j'admirais mon père. Et moi qui n'étais qu'un enfant, je l'admirais vraiment. Alors je lui demande le soir à la chaumière, moi je ne comprends guère quel est l'enseignement. Mon père était intelligent et moi j'en étais fière. Redis ta question mon enfant, je répondrai séant. Je refis ma demande et comment faut-il faire pour être bien sur terre et vivre heureux longtemps. Il fit silence un long moment, prit son regard sévère, me prit l'épaule en souriant et me dit doucement. 3 jours durant sur l'âne, nous allions à nos terres, provoquant la colère des autres paysans. Entendais-tu causer les gens quand nous allions derrière? Entendais-tu causer les gens quand nous allions devant? Quoi qu'on mit sur notre âne fera toujours déplaire et parler les vipères au dos des bienfaisants. Alors n'écoute point les gens pour être bien sur terre. Non, n'écoute jamais les gens pour vivre heureux longtemps. Quoi qu'on mit sur notre âne fera toujours déplaire et parler les vipères au dos des bienfaisants. Alors n'écoute pas les gens pour être bien sur terre. Non, n'écoute jamais les gens pour vivre heureux longtemps. Mon père était un sage comme il y en avait naguère. Il avait l'œil sévère mais le cœur bienveillant. Et moi qui n'étais qu'un enfant, oh, j'admirais mon père. Et moi qui n'étais qu'un enfant, je l'admirais vraiment. Voilà, on ne peut pas toujours plaire aux autres. En tout cas, il faut faire ce qu'on pense être le mieux. On poursuit cette émission sur le 96.2. C'est le rendez-vous du mercredi soir à 18h-19h30 avec les musiques qui se dansent, qui se chantent et qui font voyager. Et aujourd'hui, c'est plutôt la danse et le chant qui sont à l'honneur. Voici la formation Fleuve. Fleuve, c'est une formation en instrumental, mais pour quelques titres au cours de cette année 2021, ils ont sorti avec Sarah Fleur quelques morceaux où la voix féminine vient rencontrer cette formation Fleuve. Voici le titre, Mes Oganettes et Crez Armor. Mes Oganettes et Crez Armor, Terre les Wermes. Un petit coin du honneuse, arbal en grèce et talon or, agal en rolo en enfer, mais aux gonnettes et crées amour. La formation Fleuve, qui est actuellement une des formations très en vogue et qu'on retrouve avec ce titre en vidéo, et également en vidéo avec une autre formation qui s'appelle Endiaz, autre formation bretonne. Formation qui n'existe plus, la formation JMK, en tout cas je crois qu'elle n'existe plus. Voici une gavotte des montagnes et le titre Esperanza. donc un groupe qui n'est plus en activité, comme je vous le disais tout à l'heure. Je pense qu'ils sont toujours en activité, c'est le Hamon Martin Quintet. En tout cas, ils ont sorti un album il n'y a pas si longtemps que ça, même si leur dernier album n'est pas consacré à la danse. Voici un titre donc un petit peu plus ancien, où avec un peu d'humour, ils nous invitent à danser un avant-deux de Bazouge. Voici le titre de Bazouge à la Hollande, le Hamon Martin Quintet. C'est la mimolette et du gouda, son aura plein ta musette. C'est la mimolette et du gouda, son aura plein ton cabas. Si tu vas dans la Hollande, je la donne ton mille nom, mon guerre. Si tu vas dans la Hollande, je la donne ton mille nom, mon pas. En mobilette et en roudala, tu iras voir ta mignonnette. En mobilette et en roudala, tu iras voir ta blonde là. En mobilette et en roudala. Des blabla, des moulins qui ne tournent pas. Sur la digue digue, des blabla, des moulins et des girouettes. Si tu vas dans la Hollande, tu dis du n'avance pas la guerre. Si tu vas dans la Hollande, tu dis du n'avance pas la guerre. Un casse de clé, ton ami Mika, ton hélicon et ta carrette. Un cornu d'apporte là, ton accordéon et ton mot du bas. Un casse de clé, ton ami Mika, ton hélicon et ta carrette. Un cornu d'apporte là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite page d'humour autour de la mimolette et autour d'un avant-deux de Bazouge. On poursuit avec une des nouveautés du jour. Il y en aura deux. Première nouveauté qui nous vient à nouveau de Bretagne, puisqu'on y a passé pas mal de temps, c'est le nouvel album de Soïc Sibéril avec de nombreux invités. Soïc Sibéril nous fait partager son univers musical sur l'album Les Sentiers Partagés, dont nous écoutons le titre générique de l'album. Thank you. tout juste de sortir du côté de chez Cop Braise avec cet album Les Sentiers Partagés. Il va être l'heure de se retrouver pour quelques idées de sortie. Tout de suite après, ce sera une rencontre. Rencontre avec une formation dont je vous avais parlé. On avait écouté plusieurs titres au moment de leur passage du côté de Saint-Denis-en-Val à la fête de la Saint-Denis, c'est Radio Tutti et Barilla Sisters. On les retrouve après les idées de sortie qui seront accompagnées aujourd'hui par la formation Ndiaz. Sur le 96.2 et chaque mercredi aux alentours de 19h, on retrouve quelques idées de sortie. On pourra aller danser si on le souhaite ce samedi. Il y a Bal Folk à Saint-Cyr-en-Val, c'est à partir de 20h30, une organisation de Saint-Cyr les Folk, et on dansera au son de Mauresque et de Oh Oh Oh. DMT, Ensemble départemental de musique traditionnelle du Cher, fête ses 30 ans, je crois, et ils le fêteront à Saint-Florent-sur-Cher ce samedi. C'est dans le Cher, comme le nom l'indique, ce 27 novembre à 21h. Le DMT suivi de La Machine, qui sera l'invité de cette soirée. Et dans le Loir-et-Cher, à Vezin-sur-Loire, bal folk avec les Suffolk. Pour le samedi 5 décembre, Baltrade à Chassignolles, à partir de 15h, et grand bal folk au Cagibi, c'est à Tours, à partir de 17h avec le groupe Bal Perdu. Et on termine avec la formation Taf en balle, en balle, le 11 décembre, du côté de Sandillon. Pour en savoir plus, contactez l'association Faut que ça se sache. Radio Tutti et Barilla Sisters étaient il y a quelques semaines de cela du côté de Saint-Denis en Val. J'ai eu le plaisir de rencontrer une des Barilla Sisters. Je vous propose de retrouver cette rencontre. Judith, bonjour. Bonjour. Vous faites partie d'une formation qui s'appelle Radio Tutti et Barilla Sisters. C'est un nom bien compliqué, mais qui doit être en même temps assez facile pour vous retrouver. S'agit-il de deux formations qui se sont réunies ou est-ce une seule formation ? Cette histoire, c'est l'histoire d'abord d'une rencontre de nous deux, Pauline et moi, donc les deux filles. On s'est rencontrées quand on habitait à Rome, en Italie. On était collègues de travail, on n'était pas musiciennes professionnelles et on a eu envie d'explorer les répertoires traditionnels italiens. Et puis, par la suite, on a rencontré un autre musicien, Pierre Alexis, et on a eu envie de créer quelque chose avec lui qui soit de la fusion entre des répertoires traditionnels et de la musique plus électronique. Et nous, on avait ce nom, cette identité Barilla Sisters déjà qu'on avait créée et on n'avait pas envie de la quitter. Donc c'est pour ça qu'on a fusionné et que c'est devenu Radio Tutti et les Barilla Sisters. Actuellement, vous explorez beaucoup plus que la musique italienne. Vous allez du côté du sud de l'Europe, mais parfois même beaucoup plus loin. Oui, en fait, on a eu la chance d'aller en Galice pour faire un stage de chant il y a 3 ans. Et on a eu un véritable coup de cœur pour les répertoires galiciens parce que c'est des répertoires qui, comme les chants italiens, sont chantés par des femmes avec des voix très puissantes. Elles s'accompagnent de tambourins et il y a un truc qui vient de la terre, qui est cru, qui est fort, qui nous a beaucoup parlé. On avait envie de parler de ces femmes-là, de leur quotidien, de leur manière de chanter, etc. Et puis, on est aussi allé plus loin parce que on a vraiment ce petit coup de cœur pour les langues régionales, les langues locales, les répertoires moins usités, moins explorés. Et on a notamment un forró, donc, qui est un morceau traditionnel du Brésil, avec un chant en occitan. Donc, effectivement, l'occitan, c'est plus lié à la France, mais c'est aussi une langue régionale qui a été un peu oubliée et qu'on retrouve maintenant de plus en plus dans le sud de la France. Voilà, ce goût pour les cultures traditionnelles et les cultures locales. Travaillez-vous vos morceaux ? Est-ce que c'est à partir de morceaux traditionnels ou des compositions que vous arrangez ? Alors, c'est principalement des chansons, des chants traditionnels. On reprend les paroles, on essaye de s'approprier la manière de chanter, c'est-à-dire les lignes mélodiques. Et après, Pierre-Alexis, qui compose les arrangements, fait tout le reste, c'est-à-dire qu'il se libère de ces morceaux pour être créatif, inventer des choses, imaginer des nouvelles ritournelles... mettre de l'électro, mettre des choses plus hip-hop. Donc voilà, ça part à la base d'un noyau traditionnel et ça va vers quelque chose de beaucoup plus personnel. Tutti et Barilla Sisters, est-ce que c'est plutôt un concert ou un bal ? Oh, c'est plutôt un bal. On aime bien l'idée que les gens ils puissent danser à nos spectacles et se réapproprier ce moment qui est la danse collective. C'est-à-dire que quand on est allé en Italie ou en Espagne, on a vu que la danse collective, elle faisait partie de la vie quotidienne. Les gens, ils dansent ensemble tout le temps. Il y a des danses tous les week-ends. Ils font des rondes, ils ont des codes collectifs de danse. Et ça, nous, on l'a plus. Et ça nous manque et on avait envie... Enfin, ça nous manque. Ça nous intéresse et on avait envie de le recréer dans nos concerts. Les garçons descendent dans le public pour montrer une danse. Ensuite, on invite les gens à se lever et à faire une grande ronde tous ensemble. Enfin, on a vraiment à cœur que le moment du concert, ce soit pas seulement un moment où on écoute, mais un moment où on vit quelque chose de physique. Andiamo a ballare la pizzica caraibica. Uno, due, tre, quattro. Evviva, evviva. Pizzicarella mia, pizzicarella. Pizzicarella mia, pizzicarella. Tu camminato dai la linina. Tu camminato dai parecchia baila. L'actualité du groupe, c'est un album qui est sorti en avril dernier, qui s'appelle Jogo, ça veut dire jeu en galicien. Bah oui, je crois qu'on est joueur avec ses répertoires traditionnels et on aime cette idée de se réapproprier les choses et de les réinventer parce qu'on n'est pas nous-mêmes ni italien ni espagnol. On n'a pas la prétention de transmettre les choses vraiment telles qu'elles sont originellement. On se sent assez libre finalement de jouer avec ses répertoires, d'où le nom de ce nouveau disque. Alors, il y a plusieurs vidéos qui accompagnent la sortie de cet album. Il y a des visuels assez colorés. Un petit mot sur ces visuels ? Oui, bah c'est moi qui les ai faits. Donc, effectivement, j'ai parallèlement une pratique artistique d'illustratrice. Et dans ces cartes postales, comme j'avais envie de faire un petit peu comme ce qu'on fait avec Radio Tutti, c'est-à-dire mixer des images anciennes et des colorimétries très contemporaines. Donc il y a, comme pour Radio Tutti, un mélange entre du vieux et du neuf qui flash, quoi. C'est un peu une mise en parallèle, voilà. Et donc on en a fait des cartes postales qui sont sonores, c'est-à-dire que derrière chaque carte postale, on a fait 6 cartes postales avec derrière un QR code qu'on peut télécharger et sur lequel on peut accéder à un morceau quand on télécharge les QR codes. Voilà, on a fait on a imaginé plein de choses autour de la sortie de ce disque pour le rendre un peu différent, un peu attractif. On a écrit des nouvelles, on a enregistré des textes qui nous évoquaient le disque. Pierre-Alexis a pris le temps d'expliquer pour chaque morceau ses sources musicales, ses sources d'inspiration. On a essayé d'être créatif et tout ça c'est sur notre site internet. Donc www.radiotutti.net. Et quand vous cliquez sur le site, vous avez accès à toutes ces images avec plein de choses à fouiller, à écouter. On a mis aussi les pistes originelles des morceaux, c'est-à-dire que pour chaque morceau, il y a le morceau traditionnel qui correspond pour voir d'où on est parti à l'origine pour arriver à ces morceaux-là. Radio Tutti et Barilla Sisters, est-ce qu'il faut connaître ? Ah bah non, absolument pas. Je crois que c'est pas spécifique pour nous, mais généralement dans la vie et avec la culture, ce qui est important, c'est de se laisser surprendre et c'est de pas avoir trop d'a priori ou de choses prédéfinies avant d'aller dans un spectacle. Moi, je crois que ce qui fait la force aujourd'hui de la culture, c'est qu'il y a plein de propositions qui sont d'une grande richesse et qu'il faut accepter d'y aller des yeux fermés. Alors des fois, on s'ennuie. Et puis des fois, il y a des coups de cœur qu'on n'aurait jamais imaginé avant. Donc moi, j'invite tous les gens à aller voir plein de choses, même si ils en ont jamais entendu parler avant. Donc vous avez déjà donné le site pour vous retrouver. Peut-être un petit mot sur les textes des chansons du dernier album. Oui, alors c'est des textes qui sont en galicien, en italien, enfin en dialecte du sud de l'Italie. Le texte en occitan a été écrit par un ami qui parle très bien occitan. Qui nous l'a écrit pour le disque. Il y a un texte en français que j'ai fait sur la dernière piste. J'avais envie de traiter d'un sujet qui me tenait à cœur, donc on l'a glissé au milieu d'un très long morceau qui s'appelle le Galician Rhapsody qui dure 8 minutes. Voilà, donc il y a plein de choses, ça part dans plein d'univers différents. On a une valse du couvre-feu qui a été écrite pendant le confinement qui est d'une douceur mélancolique qui rappelle la musique de Nino Rota. On a des choses beaucoup plus électro. On a vraiment, ce serait difficile de vous résumer ce disque parce que il y a plein de sources d'inspiration. C'est très large en fait en termes de matière. Je viens de Birche et d'Abarca, mais ici personne ne m'attend. Je suis né de ce peuple austère, des laboureurs de Mouchia, de ces taiseux au dos courbé, aux macaleuses et regards noirs, de ceux qui, comme les rochers, supportent la pluie, le froid, le vent. Je leur ressemble finalement, obstinés, rudes, tenaces, droits. J'éprouve les coups comme ils endurent la mer qui les use sans répit. Nos vies sont faites de pierre, de sel, d'écume, de terre et de poussière, de ressacs et de brume. Des soirs comme celui-ci, j'en ai connu beaucoup. Quand dans l'obscurité la tempête se lève, que le ciel se déchire et que le vent furieux dans un vacarme sourd déchaîne sa folie. Mon pays tout entier tremble sous les rafales. Cette terre, mon Finistère, résiste. Je viens de Birche et d'Abarca et je pense à ceux qui sont loin. Certains, pour conjurer la fin, ont choisi un nouveau combat. Ils ont pour tout bagage la seule force de leurs bras. Dans les champs de tabac, la chaleur les éreinte et pourtant ils redonnent. Et nos chants sont les mêmes. Merci à Judith qui a bien voulu me consacrer un petit moment pour cette rencontre. Et puis je vous laisse terminer d'écouter cette bourrée qui se trouve sur le premier album de Radio Tutti et Barilla Sisters. We'll be right back. tambouré un petit peu électronique, mais qui doit, ma foi, bien pouvoir se danser. Je vous avais promis deux nouveautés pour l'émission d'aujourd'hui. Il y avait tout d'abord ce Xiberil qu'on a découvert tout à l'heure. La deuxième nouveauté, c'est un album de Noël qui s'appelle Noël en Bretagne. 15 titres pour fêter Noël avec plein d'artistes bretons comme Dénès Prigent, Annie Ebrel, Mathieu Hamon qu'on a entendu tout à l'heure, Rosemary Stanley et bien d'autres. Et je vous propose d'en découvrir un premier extrait aujourd'hui. Voici le titre « Nos vœux d'enfance » avec la voix d'Azilis Monroe. Aimer partager nos joies, danser sur un parfum de vanille, serrer dans nos bras nos familles. Ce soir est empreint d'insouciance pour célébrer nos vœux d'enfance, chanter des airs qui nous font rire, fêter ce jour pour se le dire. Ça vient tout juste de sortir, ça s'appelle Noël en Bretagne et c'était la très jolie voix d'Azilis Monroe. On découvrira d'autres titres de cet album au cours des prochaines semaines puisque nous rentrerons ce dimanche dans le temps de l'Avent. Alors il y aura bien entendu dans l'émission une petite place pour Noël chaque semaine. Je vous propose de terminer pour faire la transition avec l'émission qui va suivre avec un titre qui nous mène du côté de l'Andalousie. Voici la formation Alameda sur l'album Dunas, ça s'appelle Roncal. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, une excellente soirée sur le 96.2 et je vous dis à mercredi prochain si tout va bien. No he vuelto a ver en años. aquel viejo bar, buscando entre sus recuerdos tardes de gloria que cortó el azar con un cruel golpe certero. Siempre sentado en el mismo rincón, con un vaso entre sus dedos, imaginando que de nuevo está sobre la arena de un ruedo. Se ha levantado con dificultad, casi arrastrando su cuerpo. Tiene que hacerlo para demostrar el arte que lleva dentro. Borda en el aire un pase natural, como él solo sabe hacerlo. Nada en el mundo le puede quitar la magia de aquel momento. Su bastón es la espada que da la muerte al toro que una tarde cambió su suerte. Como su figura en la noche se pierde, sin que una vez más pueda detenerle, pueda detenerle, pueda detenerle, pueda detenerle. Se va perdiendo su vida, como aire de entre las manos. Hay cosas que no se olvidan, y las sombras del pasado te vuelven a abrir la herida. Ay, ay, ay. Se hace de cristal cuando comprueba en silencio que apenas pueden sus débiles pies mantener firme su cuerpo. Brilla en el aire como un resplandor los momentos que se fueron. Su capa blanca de luna quedó tendida sobre el albero. Su bastón es la espada que da la muerte al toro que una tarde cambió su suerte. Ve como su figura en la noche se pierde, sin que una vez más pueda detenerle, pueda detenerle, pueda detenerle, pueda detenerle. Su bastón es la espada que da la muerte